voit même plus ce qu'on se doit. À contre-champ, je m'y assois. À contre-cœur, à contre-poids, je m'y affaire, tu te l'octroies. Ah ah, je m'y affaire, tu te l'octroies. Un peu amer, souvent ailleurs, bien trop ton frère pour plus d'une heure. À trop lasser, le temps effleure, la mort dans l'âme, le ventre a peur. Ah oh, la mort dans l'âme, le ventre a peur. À contre-champ, je m'y assois. À contre-cœur, à contre-poids, je m'y affaire, tu te l'octroies. Ah ah, je m'y affaire, tu te l'octroies. Un peu amer, souvent ailleurs, bien trop ton frère pour plus d'une heure. À trop lasser, le temps effleure.